Laisse donc un peu les filles. Allez, on va aller. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur Érigé, la radio de John Hallyday, tout le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Érigé 90.7 sur Bordeaux et érigéfm.fr sur le net, bien entendu. Et vous nous suivez, vous pouvez nous suivre partout dans le monde, all over the world, yes. Bienvenue à cette nouvelle émission Johnny de A à Z qui est la 368e émission sur Radio Érigé. Et ce soir, je vous propose un album de la semaine qui date de 2002 et qui est sorti le 4 novembre 2002. C'est l'album À la vie, à la mort. Dans cette émission, je vous proposerai tous les titres que je n'ai pas l'habitude de diffuser, car ce sont les titres que j'apprécie le moins sur cet album-là. Il y en a qui pourront me faire ouh, oui, oui, mais c'est un double album. Alors des fois, il est un peu difficile pour choisir un certain titre dans les différentes émissions quand on le présente un album de la semaine. Mais ce soir, c'est chose faite, je rectifie le tir, je vais diffuser toutes les chansons que je n'ai pas encore diffusées de cet album-là. Cet album-là a été publié donc le 4 novembre 2012. Et premier élément d'une rentrée dont l'aboutissement sera ou a été la série de concerts que Johnny aura donné le 11, le 14 et 15 juin au Parc des Princes pour ses 60 ans avec une tournée d'été en suivant. Cet album, un double 33 tours fort de 23 chansons, réunit un collectif de signatures, certaines éprouvées comme celle de Michel Mallory, compagnon de toujours, d'autres inédites comme le texte de la comédienne Sandrine Kiberlin, rencontrée il y a 2 ans, donc ça c'était en 2012, en 2000 du moins, sur le tournage de Love Me de Laetitia Masson. Et le titre s'appelle Au bord des routes, on l'écoutera ce soir. Et mise en musique par le bluesman Daran. Comme avec chacun de ses disques, Johnny a sollicité les services de la star du moment. Cette fois, après Michel Berger pour l'album Rock'n'Roll Attitude en 85, Jean-Jacques Goldman pour Gang et Pascal Obispo après l'album Ce que je sais en 98, le patron du rock a fait appel comme principal maître d'œuvre à Gérald Palmas qui lui a concocté 5 compositions. Artisan majeur de son précédent enregistrement, 100%, son fils David ne figure cette fois que symboliquement avec 2 musiques. Marc Lavoine, Axel Bauer, Patrick Bruel ont apporté leur écho, aux côtés de doyens qui ont pour nom Maxime Le Forestier, Catherine Lara ou bien encore Hugo Frey. Plus inattendu en terre hallydayenne figurent aussi les mélodies et mots de Fred Blondin, Stéphane Echer et Philippe Djian, du Canadien Oakley Walkman, un des jeunes talents du rock anglo-saxon les plus en vue actuellement. Ça c'était en l'an 2002, depuis on n'entend plus parler. Et comme Philippe Labreau, Vincent Ravalec ou encore François Sagan, auparavant le Goncourt, Jean Rouault et Marie Minier, co-signataires de Chanter n'est pas jouer, apportent cette fois la caution littéraire au monument du rock Made in France. Présenté comme le premier double album de Johnny Hallyday, ce nouvel enregistrement ne l'est pas tout à fait. En 1976, déjà, le chanteur avait publié un double disque Hamlet, opéra rock à l'écho modeste, considéré aujourd'hui comme une curiosité dans une œuvre qui s'étend sur presque un demi-siècle. Avec À la vie et à la mort, Johnny creuse la veine musicale qui est la sienne depuis une dizaine d'années. Pas d'innovation radicale, l'homme ne se risquera certainement jamais sur les sentiers d'une expérimentation comme ses contemporains Alain Bachung et Christophe, mais un rock puissant qui regarde avec insistance du côté des productions américaines FM. Il y a quelques clins d'œil au blues et au country rock, un salut aux géants des années 70 sur la chanson Dis-le-moi par exemple. Et sur le plan des paroles, la recette est encore conforme à la légende, le chanteur offrant une nouvelle déclinaison du héros solitaire, souvent malheureux en amour mais jamais complètement à terre. Ou on ne change pas un homme d'il y a quelques années, répond cette fois « Ne demande pas d'être quelqu'un d'autre que moi-même » dans le titre « Un homme libre, Johnny sera toujours Johnny ». Oui, le titre « Un homme libre », oui, sera aussi dans la playlist de ce soir. On commence tout de suite avec un premier titre de cet album-là, « À la vie et à la mort », sorti le 4 novembre 2002. C'est le titre « Laisse-moi tomber », un titre signé Catherine Lara. Bonne soirée à tous, vous écoutez RIG et l'émission « Johnny de A à Z ». Te garder, apprendre à t'aimer d'amour. Pour se retrouver, arrêter le temps qui court. Je ne sais plus très bien s'il faut être vrai ou n'être rien. Laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber à tes genoux. Laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber à tes genoux. Quand je m'abandonne au jeu des lumières, que nos voix résonnent sur les murs de pierre, je reste le même, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à cet extrême. Je suis comme un guerrier, épuisé par ses blessures. Je veux te parler, libéré de mon armure, retrouver la force. Je suis comme un arbre sans écorce. Oh, laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber à tes genoux. Laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber à tes genoux. Quand je m'abandonne au jeu des lumières, que nos voix résonnent sur les murs de pierre, je reste le même, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à cet extrême. Laissez-moi tomber à vos genoux. Quand vos yeux me parlent au cœur de la nuit, que le temps qui passe nous semble infini, au bout de l'extrême, je serai debout. Je ne suis que moi-même et tout près de vous. Laissez-moi. Laissez-moi tomber, laissez-moi tomber à vos genoux. Laisse-moi tomber, laisse-moi tomber, laisse-moi.

par jeu ou par défi. Et elle me rend heureux, comme elle me rend fou. C'est une femme, c'est tout. Oh, c'est une femme, c'est tout. Et une femme, c'est tout. Et oui, comme je vous ai dit, je vous diffuse les chansons, les titres du moins que j'ai diffusé le moins de cet album-là dans cette émission Johnny de A à Z. Suivant. Johnny et les années 60. Et par ici. Oui, comme l'homme a besoin de la terre qui lui prodigue tous ses fruits. Oui, l'enfant a besoin de sa mère pour les premiers pas dans la vie. Comme chacun a besoin. Puisque je suis comme les autres, moi j'ai besoin de ton amour. Oui, moi j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Moi j'ai besoin de ta tendresse, de me gruser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'enlaces pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. Comme l'oiseau a besoin d'espace pour se mouvoir en liberté. La clown a besoin de grimaces pour amuser l'humanité. Ouais, comme le besoin est chose humaine, les besoins nous prennent toujours. Pour ne jamais avoir de peine, moi j'ai besoin de ton amour. Ouais, moi j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Moi j'ai besoin de ta tendresse, de me griser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'enlaces pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. J'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. J'ai besoin de ta tendresse, de maîtriser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. Encore une fois, j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Voici à présent les versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Le titre suivant sera Cut Across Shorty d'Eddie Cochrane. Alors qu'il doit prendre un avion pour Londres vers minuit, Eddie Cochrane se rend au studio Gold Star à Hollywood et enregistre trois chansons fantastiques. Three Steps to Heaven, Cherished Memories et Cut Across Shorty en compagnie de Sonny Curtis à la guitare, Jerry Ellison à la batterie et de Gibbo à la basse. En plus du chant, Eddie se charge de la guitare rythmique sur une Martin acoustique. Cut Across Shorty, créé par Carl Smith sur Columbia, presque au même moment, est essentiellement une composition country, mais interprétée avec une énergie rock'n'rollienne. Au départ, prévue pour faire la face A du nouveau single d'Eddie en mars 1960, elle fut finalement mise au dos de Three Steps to Heaven, et moins d'un mois plus tard, le chanteur était tué dans un accident de la route. Ce titre fut repris avec beaucoup de goût par Rod Stewart sur Gasoline LA en septembre 1970. Le texte américain met en scène deux garçons qui font une course pour gagner le cœur d'une belle, mais celle-ci a une préférence et demande à son chouchou d'emprunter un raccourci. Grosso modo, l'oncle Chris reste fidèle à l'idée de base. La version française repose beaucoup sur un piano rythmique absent du disque d'Eddie Cochrane. Après Elle est terrible, cette nouvelle incursion dans le répertoire du rocker américain réussit à merveille à Johnny. En simple, la chanson fut d'abord couplée à Non, ne me dis pas adieu, puis à J'ai peur, je t'aime. Voici tout de suite la version d'Eddie Cochrane, Cut Across Shorty. called Shorty and a city boy named Dan. Had to prove who could run the fastest to win Miss Lucy's hand. Now Dan had all the money and he also had the looks, but Shorty must have had something, boys, that can't be found in books. Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I want to win. Now Dan had been in training a week before the race. He'd made up his mind, no, Shorty would end in second place. And Dan, with his long legs a-flying, left Shorty far behind. And Shorty heard him, "Father out, Miss Lucy, you'll soon be mine." Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I wanna win. But Shorty wasn't worried. There was a smile up on his face. He knew that he was going to win, 'cause Lucy had fixed the race. And just like that old story about the turtle and the hare, when Dan crossed over the finish line, he found Shorty waiting there. Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I wanna win. It's you I wanna win. It's you I wanna win. Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, luba, bala, bim, boum. Johnny et les années 80. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Voici le titre Oublié, extrait de l'album La Peur, datant de 1982. Les matins volés clos à pâtir et le jour à cause des nuits passées à chercher des abris. Les fonds de bouteilles laissées au détour d'un détour pour entrer déchiré à la mort de la nuit. Oublié, oui ça y est, j'ai presque oublié. Envahir les villes pour violer le silence, vivre comme un barbare, chercher le corps à corps. Toujours être parti, jamais là le dimanche, remplacer sa maison par un aéroport. Oublié, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. Oublié, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. J'ai payé pour en parler. Ah je te dis, je te dis, je te dis, oui que j'ai oublié. Pour savoir que j'ai tort, opposer mon sourire au malheur que je cache, ou lancer par mépris un défi à la mort. Oublié, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. Et la sentir ailleurs. Attendre d'elle un geste, un regard, un appel. Et rester ça toujours au pire comme mon meilleur. Oublier, oui jamais je pourrais l'oublier. Oublier, non jamais, non je pourrais l'oublier. Jamais, jamais, jamais, non, je pourrais l'oublier. J'ai payé pour en parler. Jamais, jamais, jamais, non, je pourrais l'oublier. Non, jamais, jamais, jamais, non, je pourrais l'oublier. Salut, c'est Johnny.

John Hayday à Lausanne en 1962. On revient à l'album de la semaine qui est À la vie et à la mort, sorti le 4 novembre 2002. Et le prochain titre est Si c'était à refaire, un titre aux accents country signé d'un vieux complice, Hugo Frey. Johnny y assume toute sa vie, tous ses choix. La présence d'Hugo, ami de longue date de l'idole, est une surprise. Les deux hommes n'avaient plus travaillé ensemble depuis 1966. Et lors d'une interview avec Jean-François Chenu, Jean-François Chenu avait lancé sa petite anecdote. Ah, tiens, je vais te raconter une anecdote. Par rapport à ça, par rapport à ce disque, au moment de malheureusement de son décès, je me suis retrouvé sur une émission de télévision, plateau avec Hugo Frey, qui est un type formidable. Il a une santé encore pour son âge, il est incroyable. Et les journalistes, le journaliste de la télé, l'interview, il lui dit ouais, vous avez composé comme chanson, vous êtes l'auteur du pénitencier, de l'adaptation du pénitencier. Oh, oui. Et puis c'est tout ce que vous avez fait pour Johnny. Puis Gaufrey dit oui, c'est. Et j'étais en face de lui, je lui dis, vous avez fait un titre sur l'album À la vie et à la mort. C'est le dernier titre du premier album qui s'appelle Si c'était à refaire. Et là, il me regarde et il me dit, oh, putain, ah, c'est vrai. Il me remercie. Ah, vous êtes vachement sympa de me rappeler ça, c'est vrai, j'avais oublié. Bien sûr, ouais, j'adore ce titre. Il n'a pas marché, il n'a pas été diffusé, mais j'adore ce titre. Une heure après, il va chez Drucker, je crois. Drucker lui pose une question, il dit il y a un titre que j'ai fait pour Johnny que j'adore, Si c'était à refaire. Je l'avais rappelé une heure avant, il le sort une heure après chez Drucker. ça m'a fait marrer parce que c'était vraiment il avait complètement oublié qu'il avait fait ce titre. Je crois que Johnny il avait des problèmes d'argent à l'époque, Gaufrey, et Johnny lui avait dit fais moi un titre pour ça t'arrange, ça te paiera tes impôts, en gros. Oui. Il a fait ça et la production est intéressante. Il y a un son dans cette chanson. Il y a un son intéressant. Parfois, je regarde en arrière et l'ombre dévoile ses mystères. Puis trop souvent, dans mes nuits solitaires, j'ai traversé des brouillards éphémères. Mais à quoi bon vouloir brûler ce qui a fait ma vie? Non, je n'ai rien à regretter. Aujourd'hui, de ce que je suis, si c'était à refaire, j'irais jusqu'au bout vers ta lumière. Faites que de sable, faux rendez-vous, photos sans souvenir. Aujourd'hui, tu écris dans le marbre par ton regard, tu construis mon empire. Même le temps veut s'arrêter à chacun de tes pas. Pourquoi devrais-je tout effacer? Et mon passé m'a conduit vers toi. Si c'était à refaire, je revivrais pour naître avec toi. tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Voici à présent une composition Tommy Brown et Mickey Jones sur l'album Vie. Voici le titre Rendez-moi le soleil. Et sur RIG, bien sûr. L'émission Johnny de A à Z. Voici le rendez-vous hebdomadaire avec Antoine Decon et l'Odyssée Johnny. Aujourd'hui, Antoine Decon nous raconte l'histoire de la chanson à propos de mon père. L'Odyssée Johnny Hallyday. Tout le monde le sait, le jeune Jean-Philippe Smet, né en juin 43, n'a été élevé ni par sa mère ni par son père, mais bien par ses cousins Lee et Desta Hallyday. C'est pourquoi quand il chante fils de personne, on le croit sur parole. Un jour, voyant que son ami Michel Mallory écrit pour Sylvie Vartan une chanson intitulée « Mon père », Johnny lui confie qu'il aurait aimé la chanter. Or, Mallory sait pertinemment que Johnny n'a quasiment pas connu son père, Monsieur Léon Smet. Il ne parlait pas de la guerre. Pourtant, mon héros, c'était lui. J'étais si fier qu'il soit mon père. Nombreux sont les artistes qui éprouvent à un moment ou à un autre l'envie ou le besoin de créer une chanson sur leur papa. On se souvient du carton réalisé par Daniel Guichard grâce à Mon Vieux. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux. vieux. Si Michel Mallory ne peut pas écrire sur la complicité qui aurait uni Johnny à son père, il peut en revanche imaginer un texte sur l'absence, sur le manque. C'est ce qu'il fait avec « À propos de mon père ». Sur une composition country se prêtant bien au ton de la confidence, Johnny avoue qu'il a imaginé son père au point de mentir pour le faire exister. Devant les aléas de la vie, les enfants se réfugient souvent dans le rêve. Comme Johnny qui avoue « Je l'ai fabriqué comme j'ai pu, à ce père que je n'ai jamais eu. » Il était mon premier secret. Et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Un jour qu'il est au service militaire, on prévient Johnny que son père est venu le voir. Johnny se précipite jusqu'au portail où effectivement, à sa grande surprise, Léon Smet est là. Un ours en pluche à la main, probablement un souvenir de quand Jean-Philippe Smet était bébé. Il se précipite vers lui pour l'embrasser. C'est alors que surgissent les photographes de la presse à sensation qui ont tout manigancé. Monsieur Smet avait accepté cette supercherie pour de l'argent. Oh, on imagine la déception et le désarroi du rocker. Vous cherchez la bagarre ? Vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. À Bruxelles, où il vivait chichement, Léon Smet était connu pour ses frasques. Bagarreur, alcoolo, il s'est retrouvé régulièrement dans les pages faits divers des grands quotidiens belges. Johnny garda jusqu'au bout une sorte de tendresse pour cet homme paumé qui eut souvent l'occasion d'aider en lui envoyant de l'argent. Quand Léon Smet mourut en novembre 1989, il n'y eut personne pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Personne, sauf Johnny. Le même Johnny qui, à l'Olympia en l'an 2000, se souvient encore de ce père qu'il n'a jamais eu. Je l'ai inventé tout entier. Il l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand.

je vois en toi cette indifférence au fond pour moi. Et je me bats pour que tu sois mienne. Ne suis-je pas aussi de race humaine? Et qu'importe tout ce que tu fais, où tu t'en vas, que m'importe le chagrin sur ton chemin, moi je viens. La nuit tombe colorée. Ne peux-tu encore me pardonner? Parfois je pleure, ça rime à rien. L'album de la semaine qui est La vie et la mort, sorti le 4 novembre 2002. Et on revient au titre Un homme libre, encore une réussite de Gérald Palmas, où le chanteur revendique sa liberté. Le ton est résolument blues rock, toujours le côté sud profond, cher à l'auteur et au chanteur. T'avouer, ton regard n'est plus le le même. Je suis très inquiet. Tu voudrais que je t'appartienne nuit et jour comme un objet. Et je t'abandonne à tes chaînes. Je vais m'en aller. Être libre n'a pas de prix. C'est bien ce que l'on s'était dit. On avait presque réussi. Réfléchis. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On rejoint Johnny Hallyday en 2012 pour un duo avec Amy Keys, I Have Nothing. Un titre initialement chanté par Wilson Pickett, puis après par Wilson Pickett, non, mais aussi par Tom Jones. Et Benny King, c'est Benny King qui a interprété en premier ce titre-là. Have nothing. I who have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you. But I love you. Diamonds, bright, bright sparkling diamonds. But believe me, dear, any place he wants, to fancy clubs and restaurants. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tout le monde les bras en l'air, ne fais pas d'histoire, Édouard. Reste bien les bras en l'air derrière ton comptoir, Édouard. Premier qui n'est pas content n'aura plus jamais mal aux dents. Reste bien les bras en l'air, ferme ton tiroir, Édouard. Car on ne veut rien en faire, garde tes dollars, Édouard. On ne veut pas ton argent, que personne ne bouge à présent. On va trouver notre affaire derrière le comptoir des doigts. Il y a là ce qu'on préfère, il y a le Ricard des doigts. Tous les bras en l'air et pas d'histoire. Tu vas nous servir un Ricard des doigts. Sur Érigé et dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et là, Johnny, non, il ne doit rien à personne. Je ne dois rien à personne, mais je ne méprise personne. Oui, j'ai donné plus que personne à cette carte de vie, je me cogne. Ouais. Que l'on pense, pour tout dire, je m'en balance. Et mes joies et mes souffrances, chaque jour j'avance, j'avance. Non, je ne dois rien à personne, mais je ne méprise personne. J'ai donné plus que personne. Non, je ne dois rien à personne. Par défi, par insolence, qui vous assomme. Non, je ne dois rien à personne. et les années 60. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. But not over the floor, if you can possibly help it. Dis-moi, je voudrais savoir le jeu que tu joues. Dis, je voudrais savoir le jeu que tu joues. Tu l'as vu, j'en ai peur. Dans un grand film en couleur, le jeu que tu joues. Dans quel cinéma des acteurs le jouent? Dis, je voudrais voir ça, comment ça se joue? Le film est très mauvais, t'as vu ça dans un navet, le jeu que tu joues. Ça ne sert à rien, le jeu que tu joues. Dis, pour nous c'est la fin, et un point c'est tout. Si je dois en pleurer, j'ai bien le droit de le cacher, le jeu que je joue. La version complète du titre, le jeu que tu joues, qu'on retrouve sur l'édition Super Deluxe de 2016 de l'album Génération Perdue. On revient à l'album de la semaine qui est À la vie et à la mort, sorti en novembre 2002. Et le prochain titre que je vous propose est Des hommes. Un souffle épique baigne également cette chanson, orchestrée par Yvan Cassar. C'est l'esprit cinématographique des grandes productions comme Les Chariots de Feu ou Gladiateur qui nourrit cette chanson. On l'écoute tout de suite, bien entendu. Et souvenez-vous, cette chanson était l'introduction du Parc des Princes 2003. Ces hommes qu'elle a aimés

content de vous avoir. Seul, on est partout et toujours. Seul, les gens vous aiment, vous entourent. On se retrouve quand même et toujours. Seul, avec un trop plein d'amour. Que l'on donne à une personne, une seule. Mais qui au petit nous abandonne, nous abandonne. On vous croit solide comme un roc, à l'abri des coups et des chocs. Parce qu'on ne vous voit qu'en vitrine, blindé aux envies qu'on provoque. Les épuisés rentrent le soir en démaquillent son désespoir. Un miroir sans complaisance, à qui on ne raconte pas d'histoire. Seul, on est partout et toujours. Seul, les gens vous aiment, vous entourent. On se retrouve quand même et toujours. Seul, avec un trop plein d'amour. Que l'on donne à une personne. Seul, on est partout et toujours. Seul, les gens vous aiment, vous entourent. On se retrouve quand même et toujours. Seul, avec un trop plein d'amour. Que l'on donne à une personne, une seule. Mais qui au petit jour une petite rubrique, les versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Le prochain titre, c'est I Got Stuck d'Elvis Presley, ou autrement dit, Je suis mordu, version Johnny Hallyday. Elvis Presley créa I Got Stuck au studio RCA de Nashville, juste avant son départ pour l'armée, et ce titre fut numéro 8 au Billboard en juin 1958. Started and my eyes crumpled up to my head. Loot on my heart, the love was gone, but I'm done. I got stuck. Yeah, yeah. She had all that I wanted and more. And I've seen money figures before. She started buzzing in my ear, my arms and in my brain. I'm stuck. I want to be the one I'm done. I got stuck. And I don't think I'm to blame. I'm mighty pleased we met. Could you give me one little bit on the back of my neck? And I break out in a cold, cold sweat. Well, it's a 102. I won't let nobody sting me but you. I'll be present on your highest of the day. Higher than ever. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday au Palais des Sports 1967 et le titre Maintenant ou Jamais. Et bientôt, on retrouvera une nouvelle version de l'Olympia 1967 le 29 mars. Je te prends dans mes bras. Tu dis qu'il ne vaut mieux pas si tu vas décider de t'en aller. Si tu crois que c'est mieux, adieu. Mes erreurs, tu n'en rues jamais. Quand à ma porte tu as frappé, mais j'ai imaginé que tu venais pour rester. N'en parlons plus, j'ai dû me tromper. Si tu as décidé de t'en aller, hey, hey. Si tu crois que c'est mieux, adieu. Laissez-moi, tu n'as ou jamais. Je ne veux pas ni me moquer, ni te manquer de respect. Mais si tu n'as à me donner qu'un amour fait de mots, mieux vaut rentrer. Si tu vas décider de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu. Et c'est vrai, tu n'as plus jamais. Yeah. Partir qu'importe, tu connais très bien le chemin, mais sans le voir, trouveras-tu la porte. Si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu. Et c'est vrai, tu n'en veux jamais. Et c'est vrai, tu n'en veux jamais. Et c'est vrai, tu n'en veux jamais. Et c'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant ou jamais. Oui, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Et c'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant ou jamais. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Avant d'aller au titre de l'album de la semaine qui est À la vie et la mort, sorti en 2002, c'est le titre Chanter n'est pas jouer. Et c'est un jeune et très doué canadien, Oxley Walkman, qui a mis en musique ce texte livré par deux écrivains, Marie Nimier et Jean Rouault, prix Goncourt pour son premier roman, Les Chants d'honneur. Et le thème choisi est particulièrement cher à l'artiste. Chanteur-acteur, deux approches différentes, mais des métiers similaires. La présence de ces deux talents à l'écriture prolonge l'approche du succès de 100%. On l'écoute tout de suite. Chanter n'est pas jouer. changer de corps, changer de décor, tourner de nuit dans un port, tomber, faire le mort, se relever, enfin s'asseoir, se retrouver, chanter c'est une autre histoire, chanter n'est pas jouer. Redoublé dans le journal par son image et avoir de ses nouvelles en tournant les pages. Loin de la presse à scandale, dire sa vérité. À l'heure de monter sur scène, chanter n'est pas jouer. Chasser les nuages. Oh, je sais que la magie viendra au moment où ne restera plus rien entre vous et moi. Et les années 2010. Il y a une expression américaine en anglais qui dit rock and roll is dead, ce qui veut dire le rock and roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Qu'elle me fasse porter le poids de mes bagages, avant qu'elle ne m'oublie, qu'elle me lâche la main, qu'elle devienne l'ennemi au bord de mon chemin, avant que tout m'échappe, avant que vienne demain. Si j'avais su, si j'avais su la vie, si j'avais agonie que je frôle les ténèbres. Que du fond de mon lit, plus rien n'en vaille la peine. Avant que le passé me donne des leçons, avant que mes regrets m'entraînent à reculons, avant que tout m'échappe, avant que vienne finira jamais. Johnny et les films. Ce ne sera pas une bande originale que je vous proposer, mais ce sera un extrait du film Rock'n'Roll où Johnny, le film de Guillaume Canet, où Johnny a fait une petite apparition de 5 minutes. Bonsoir Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Ah bonsoir Laetitia, pardon hein, mais j'ai eu Johnny tout à l'heure qui m'a dit que je pouvais passer, même très tard. Bah ouais. Tu le connais, il est toujours content d'avoir du monde à la maison, il fait ça pour se coucher plus tard. Mais depuis son opération de la hanche, il a besoin de beaucoup de soins. Laetitia, tu parles à qui ? À Guillaume ? Guillaume qui ? À Guillaume Canet, mon amour ! Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bah c'est toi qui lui as proposé de passer ? Ah bon ? Si, si, je te jure. Salut Guillaume. Comment ça va ? Bien, Johnny. Merci. J'arrive. Rock'n'roll ! Il fait ça tout le temps. Ça m'énerve. Il se rend pas compte qu'il peut se faire mal. Oh là là. Comment ça va, Jérôme ? Bien, ça va. Je suis désolé, j'avais compris que je pouvais venir ce soir. Non, j'allais me coucher, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que tu bois ? Rien, ça va, merci. Ah bon ? Rien ? Ah. Bon. Bah viens, on va dans mon bureau. Ouais. Mais pourquoi tu l'as pas envoyé se faire foutre, cette conne ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le pas être rock ? Ça va te servir à quoi ? Tu fais pas de la musique, toi ? Non, mais forcément ça. Je me disais juste être un petit peu plus rock, quoi. Tu vas avoir une image un peu plus... T'en veux une ? Non, merci. Qu'est-ce que t'es chiant, toi ? Moi, j'essaie d'arrêter de fumer pour faire comme tout le monde. Surtout pour faire plaisir à Laetitia. Et quand t'as fumé des gitanes sans filtre pendant plus de 50 ans... C'est pas facile, hein. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ? Et tu sais, à part moi, il ne reste plus grand monde. C'est très difficile d'être rock aujourd'hui. C'est plus vraiment la tendance. Aujourd'hui, c'est plutôt sport, bio. C'est devenu ringard de péter une chambre d'hôtel. Non, allez, crois-moi, ça ne te servira à rien. Et de toute façon, il est trop tard pour toi maintenant. Comment ça, trop tard? Mais on est devenu trop vieux pour toutes ces conneries. C'est plus de notre âge, tout ça, non? Bon, ouais, enfin, moi, je suis encore dans la quarantaine. Hein. Ouais, bon, d'accord, bah, tout ça à 10 ans près. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça va te servir à rien. Tu es très bien comme tu es. Pourquoi tu veux changer? C'est marrant, bébé, depuis que j'ai arrêté de fumer, je ne supporte plus la fumée des autres. Ce qui est dingue, c'est que ça fait 2 mois que t'as arrêté de fumer et que tu sens toujours le tabac. Ça caille, non? Je vais allumer le feu. Allumer le feu! Psst. Jérôme! Ici. Jérôme. Reviens me chercher dans 1 heure. Je t'attendrai au bout de la rue. On ira boire un coup, hein? Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Tu fumes en cachette? Mais non, rien. Je disais au revoir à Jérôme. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Un autre galant fini. Dernier extrait de l'album de la semaine, À la vie, à la mort, sorti en novembre 2002. C'est un texte de Sandrine Kiberlin, pour le titre Au bord des routes, et elle va en parler. C'était lors d'une émission, le journal Inattendu, avec Sandrine Kiberlin sur RTL. C'était le 3 mars 2019. Elle en parle. Elle dit quelques mots sur sa collaboration avec John Hallyday, aussi bien sur le film Love Me que sur le titre Au bord des routes. Sandrine Kiberlin est l'invitée du journal Inattendu sur RTL. Love me. Me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Voilà, extrait de Love Me de Laetitia Masson en 2000, votre duo avec Johnny. Ouais, on sent que ça vous émeut. Oui, ça m'émeut parce que c'était une rencontre très belle avec Johnny. Il était plus ému que moi de faire un film, c'était le monde à l'envers. Ouais. Il était tout intimidé alors que c'était... Il joue un chanteur has-been. Ouais, il était fou de cinéma, Johnny. Ouais, il avait vraiment envie d'être acteur aussi. Alors, il était fou de cinéma. Vous êtes folle de chansons. Vous lui avez écrit ça. Chante en plus en studio, en même temps, Sandrine Kiberlin. Tout le monde n'écrit pas pour Johnny quand même. Hein. C'était dingue. Collaborer avec lui, ça c'était en 2002 pour son album À la vie et à la mort. J'imagine qu'on s'en souvient toute sa vie. Comment ça s'est passé? Il vous a demandé d'écrire une chanson ou... Oui, il m'a dit, est-ce que tu peux écrire un texte sur les chiens abandonnés? Ouais. Et je lui ai dit... Je suis pas sûre de savoir faire ça. Ça, mais je me suis servi de son idée pour faire une chanson autour de d'un homme abandonné, oui, en fait. C'est ça. C'est et ça, de l'amour, parce que je trouve qu'il évoque toujours l'amour de Johnny. À leurs yeux, on y voit tout dedans. Et même quand ils sont baissés, on y voit tout dedans. Vous ne vous tromperez jamais, vous les reconnaîtrez, ceux qu'ont les yeux baissés, les yeux tristes à pleurer. Des chiens laissés tomber au bord des routes, ceux qui gênent d'un seul coup, ceux qui n'ont rien demandé. Qui ait connu le chaud, qui ait connu le froid. pourtant seul. Celui qui ne comprend pas pourquoi d'un coup d'un seul on le laisse planter là. Vous connaissez mes yeux, vous voyez tout dedans. Et même quand ils sont baissés, vous voyez tout dedans. Mais vous ne la verrez jamais, celle qui la vitre baissée m'a laissé en été sur le bord. Chaussé comme un chien sur les routes laissé tomber, un chien qui devient fou, qui la suivrait partout. Vous êtes bien comme moi, qui ai connu le chaud, qui ai connu le froid. Qui attend seul, celui qui ne comprend pas pourquoi d'un coup d'un seul elle m'a laissé comme ça. Elle m'a laissé comme ça. Ils sont baissés, vous la verrez dedans. La voix de Johnny a rarement été aussi bien mise en valeur sur cet album-là, porté sur certains titres par un orchestre symphonique dirigé par Yvan Cassar. Johnny déclarait dans l'Express le 22 décembre 2005 « Mon album À la vie et à la mort est directement influencé par Queen. Je voulais que les guitares soient très en avant, même dans les slows. » Queen était le groupe leader d'une musique entre lyrique et hard rock. Freddie Mercury a innové en musique ou sur scène, imité par d'autres. Avec sa voix faite pour le bel canto, il aurait pu chanter l'opéra. Johnny aussi aurait pu chanter l'opéra, bien entendu. Et dès sa première semaine d'exploitation, l'album, le double album À la vie et à la mort s'écoule à plus de 300 000 exemplaires et en gros c'est terminé à peu plus de 1 700 000 exemplaires comme l'est actuellement son dernier album Mon pays c'est l'amour. On va finir bientôt cette émission hein, avec un titre des années 60, Ce n'est pas méchant. Johnny et les années 60. De la vie, parce que tout leur sourit. Les jeunes parfois font du chahut, ils se bousculent dans la rue. Moi je vous le dis simplement, ce n'est pas méchant s'ils portent les cheveux un peu longs, des blues, tu sais, même des blousons. Qu'ils en pincent pour cette tenue, et c'est mieux que de marcher nu. Oh, si je le dis simplement, ce n'est pas méchant parmi les gens plus âgés qu'il en donne tort. Il en est en vérité qu'il en vient plus fort. Et son feu demande à les voir parfois faire la nuit bas. Si les jeunes, c'est bien ce que l'on croit, on peut les voir quand vient le printemps. Sur une moto dingue mi-cheval qui fait un bruit infernal. Mais entre nous, sincèrement, ce n'est pas méchant parce qu'il claque des doigts en chantant. On dit que les jeunes sont fatigants. Oui, oui, oui, et devant les machines à sous, s'ils dansent et font les petits fous. Entre nous, je l'avoue, franchement, ce n'est pas méchant. Oh, yes! Sans s'occuper des passants, s'embrasse sur un banc. Alors on se peut aller critiquer, c'est insensé. Puisque l'amour n'est pas un péché, parce qu'ils n'osent pas encore mûrs. Yeah! Aux joies, aux peines de la nature. Et leurs ces petits défauts, ils ne sont pas bien, bien gros. Et au fond, tout ça vraiment, ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, on clôt cette émission Johnny de A à Z, spécial album de la semaine à la vie à la mort, avec un petit live, comme d'habitude, bien sûr. Nous sommes à présent au Palais des Sports, c'était en 1982, et Johnny chantait « Oh ma jolie Sarah ». sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Et tout passe, et tout casse, et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Et je n'y suis pour rien. Y'a tout change, et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Et je n'y suis pour rien. Ça s'achève cette émission Johnny 2AZ avec l'album de la semaine À la vie, à la mort. Je vous retrouve, non pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Ce sera à partir du 10 avril qu'on se retrouvera pour une nouvelle émission Johnny 2AZ, Johnny 2AZ en live, ou alors ailleurs, il y aura peut-être un thème. Qui sait ? Je vous remercie toutes et à tous d'avoir écouté cette émission attentivement. Et je vous souhaite à toutes et à tous bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.